I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, so are you. Book on his Sunday mornings, every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Ouais, le chanteur d'ACDC, le pauvre. Ils l'ont viré comme une bouse. C'est dégueulasse. Bon, je vais m'acheter un cordon en fil. Je vais le commander sur internet, mais je voulais en récupérer un. Putain. Allez acheter un cordon de téléphone, franchement, putain, avec tout ce que je trouve. Oh merde.